Cinquième journée, 29 mars. Ce jour si impatiemment attendu se lève heureusement plus serein. La température est sensiblement plus douce. De bon matin règne déjà un mouvement extraordinaire. Dans les bureaux du comité des Jeux Olympiques, l'affluence est indescriptible et les agents de police peuvent à peine contenir la foule. La circulation devient très difficile sur les trottoirs des principales rues, de la rue du Stade surtout. Ce mouvement extraordinaire est motivé par la vente des billets, dont, par suite d'une sage mesure, le prix a été réduit à partir de ce jour. On se pousse, on se bouscule, chacun cherche à se procurer la meilleure place possible. Depuis le jour où, pour la première fois, l'idée du rétablissement des Jeux Olympiques avait été lancée, la course de marathon n'avait cessé de préoccuper la pensée du public. On s'était insensiblement fait à l'idée qu'à ce concours un Grec devait nécessairement être vainqueur. Ce vœu n'avait d'ailleurs rien que de légitime. La course de marathon était en effet considérée comme le plus important des concours et comme, pour ainsi dire, le clou des Jeux Olympiques. Il y allait de l'amour-propre national que la palme en resta un enfant du pays. À cette considération venaient s'en joindre d'autres provenant des traditions historiques. On se rappelait le fameux messager de Marathon qui, avant d'expirer de fatigue, avait pu le premier annoncer aux Athéniens la victoire par ce mot resté célèbre « Nous avons vaincu ». Dans cet état de choses, on comprend facilement quel devait être ce jour-là l'intérêt du public. Les maîtres d'hôtel s'étaient engagés, dans le cas où le vainqueur de ce concours serait grec, à le nourrir, les uns sa vie durant, d'autres pendant un temps déterminé, des coiffeurs, des tailleurs, lui offraient d'avance gratuitement leurs services, des négociants lui promettaient une prime ou un cadeau en nature, etc., etc. Avant midi, on commence déjà à se diriger vers le stade. Dans toute la ville règne un mouvement indescriptible. On voit de tous côtés des groupes porter leurs pas vers les bords de l'Ilissus. Les trains arrivent bondés de monde. Vers 1h30 après-midi, la ville d'Athènes était déserte et le stade comble. Ceux qui n'ont pas eu le bonheur de voir le stade en cette journée mémorable ne sauraient se faire une idée du spectacle unique et imposant qu'il présentait. Depuis les rangées inférieures jusqu'au sommet, les gradins de cette immense enceinte sont couverts d'une foule épaisse, serrée, formant une masse compacte, dont la couleur sombre est égayée par les uniformes militaires et les toilettes claires des dames. Les kerkides les plus éloignés sont combles, les escaliers qui les séparent sont occupés jusqu'aux dernières marches, le corridor qui fait le tour de l'arène est rempli. La communication devient presque impossible. Au-dessus de cette foule compacte, des milliers de spectateurs, placés sur le sommet de l'Arditos et sur les hauteurs qui dominent le stade, forment comme une immense ceinture vivante autour de l'enceinte de pierre. On évalue à 70 000 le nombre des spectateurs qui sont entrés ce jour-là dans le stade, sans compter ceux qui occupaient les hauteurs environnantes ou les abords. Les trottoirs de l'avenue Héro d'Atticus sont couverts d'une foule immense qui se continue sur la route de Képhysia, où la circulation des voitures est interdite jusqu'à l'école Rhizaris, d'où sera annoncée par un coup de canon l'arrivée du premier coureur. Cette multitude tout entière est possédée par une seule pensée, quel sera donc le vainqueur de la course de marathon? À 2h30, la famille royale et le roi de Serbie font leur entrée au stade, où ils sont reçus avec le cérémonial habituel. Ils s'arrêtent un instant pour admirer le spectacle qui s'offre à leur regard. Ils se dirigent ensuite vers leur siège et le clairon annonce aussitôt le commencement des jeux. Course de marathon. Un assez grand nombre de champions s'étaient fait inscrire pour ce concours, mais la plupart, doutant de leur force, se désistèrent au dernier moment. Les concurrents, au nombre d'environ 25, qui persistèrent dans leur résolution, se rendirent dès la veille à Marathon où ils passèrent la nuit. Ils étaient accompagnés d'une commission spéciale. Le lendemain, vers 2h de l'après-midi, ils se rendent au pont de Marathon qui avait été choisi comme point de départ. Là, ils se rangent, selon l'ordre que leur assigne le sort, sur deux lignes à quelques pas de distance l'une de l'autre. M. Papadiamantopoulos, colonel, qui remplissait les fonctions de starter, après une courte allocution, donne en tirant un coup de revolver le signal du départ. Les coureurs, légèrement vêtus, s'élancent aussitôt. Ils sont suivis par des bicyclistes ainsi que par des officiers et des soldats à cheval qui surveillent leur marche. De distance en distance, Des médecins en voiture suivent les coureurs pour leur donner, en cas de besoin, les premiers secours. Cette course eut des incidents assez dramatiques. Jusqu'à Piquermi, c'est l'agile français M. Lemurcio qui est en tête. Viennent ensuite l'Australien Flack, l'Américain Black, le Hongrois Kellner, puis les coureurs grecs, dont le premier est Lavrentis de Maroussi. M. Lemurcio a une avance de 3 km sur M. Flack, qui vient second. Il a parcouru en 52 minutes la distance de marathon à Piquermi. Sur la route stationnent les habitants des différents villages de l'Attique, attendant avec la plus grande curiosité et le plus vif intérêt le passage des coureurs qu'ils saluent et encouragent sans distinction de nationalité et auxquels ils offrent des rafraîchissements. Vers Piquermi, quelques-uns, brisés de fatigue, se retirent et montent dans les voitures qui suivent. En passant devant le khan de Piquermi, Louis de Maroussi prend un verre de vin et demande des nouvelles sur ceux qui le précèdent, affirmant avec la plus parfaite conviction qu'il allait les atteindre et les dépasser. Black tombe vers le 23e kilomètre et Vassilikos devient troisième. À Carbati, c'est encore Lemurcio qui arrive premier et Flack second. La couronne que les paysans avaient préparée sous un arc de triomphe comme récompense destinée au premier arrivant est placée sur la tête du coureur parisien. Mais à partir de Carvati commence la montée. Le Français se fatigue et le bicycliste Gisel, son compatriote, le frictionne, ce qui permet à Flack de le dépasser. Louis s'approche de plus en plus, de nombreux paysans de son village le suivent en courant et lui font, pour ainsi dire, une garde d'honneur. Vers le 32e kilomètre, M. Lemurcio chancelle, tombe et est transporté dans une des voitures qui suivent les coureurs. Au 33e kilomètre, Louis atteint Flack et le dépasse. Il continue jusqu'au 36e kilomètre à le devancer d'une vingtaine de pas. Après Flack viennent le Hongrois Kellner, Vasilakos et Belokas, tous pleins de vigueur. Au 37e kilomètre, devant le village d'Ambelokipi, Louis hâte le pas. Flack désespère de la victoire, il chancelle, tombe et on le transporte sans connaissance dans une voiture. Louis arrive le premier à l'école Rizzari. Son arrivée est annoncée par un coup de canon. La victoire est assurée. Le long de la route, la foule salue le vainqueur et lui prodigue ses encouragements. Au stade, les spectateurs sont plongés dans toutes les anxiétés de l'attente. À partir de 4h30, l'impatience ne peut plus se soutenir. Malgré tout l'intérêt qu'elle présente, les diverses phases du saut à la perche ne peuvent fixer longtemps l'attention de la foule. Tout à coup, le bruit se répand que l'Australien Flack arrive premier. La nouvelle a été apportée par le bicycliste allemand Gedrich. Une morne tristesse se répand sur tous les visages et le découragement général se traduit par un long silence. Mais l'erreur ne dure pas longtemps. Le starter de la course de marathon fait son entrée dans le stade et se dirigeant vers les sièges royaux, annonce que Louis arrive premier. La nouvelle se répand aussitôt avec la rapidité de l'éclair. Un immense vivace sorti de toutes les poitrines s'élève jusqu'au ciel. En même temps, résonne le canon qui annonce l'arrivée du vainqueur Hélène. Les spectateurs n'entendent alors plus rien, ni avis, ni commandement, ni remontrance. Tous debout regardent fixement vers l'entrée du stade. La même émotion règne en dehors de l'enceinte, et lorsque le préfet de police à cheval annonce tout ému qu'un Hélène est vainqueur, cette nouvelle est accueillie par des acclamations ininterrompues. Au bout de quelques minutes, qui paraissent des siècles, un certain mouvement se remarque à l'entrée du stade où les officiers et les membres du comité s'empressent de se rendre. Enfin, on voit entrer un champion vêtu de blanc, hâlé par le soleil et tout couvert de poussière. C'est Louis, le vainqueur de la course de marathon. Il s'avance en courant du côté droit de l'arène. Il paraît très fatigué, mais non jusqu'à l'épuisement. Il est suivi des membres du comité qui l'acclament. Le prince héritier et le prince Georges courent vers lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'Olympionique arrive devant le roi et s'incline devant lui. Le souverain se lève alors et agite longtemps avec enthousiasme sa casquette de marine. Il paraît vivement ému. Quelques-uns de ses aides de camp s'élancent et embrassent avec effusion le vainqueur. Les deux princes, auxquels était venu se joindre le prince Nicolas, soulèvent Louis et le portent un instant en triomphe. Les étrangers, émus aussi, battent des mains. Le spectacle que présente alors le stade est réellement indescriptible. À peine le matelot chargé de hisser le pavillon au haut du mât voit-il le numéro 17, que Louise portait sur la poitrine, qu'il arbore le pavillon hellénique dont l'apparition soulève de frénétiques applaudissements. Les airs retentissent de tous côtés d'interminables cris de victoire. Les dames agitent leurs mouchoirs, les hommes leurs chapeaux. De petits drapeaux grecs, dissimulés jusque-là avec soin, sont déployés. Le peuple hors de lui demande que la musique joue l'hymne national. Un enthousiasme délirant s'empare de tous. L'émotion gagne les étrangers, qui en diverses langues acclament aussi l'heureux vainqueur. Louis s'est conduit au vestiaire. Il a fait le trajet de 40 km en 2h58 et 50 secondes. Quelques minutes après, arrive Vassilakos, dont l'apparition provoque une seconde explosion d'enthousiasme. Il a parcouru la distance en 3h06 et 3 secondes. Un tout jeune Athénien, M. Belokas, arrive troisième, après avoir fait preuve d'une très grande force de résistance. Il a parcouru la distance en 3h06 et 30 secondes. Après l'arrivée des coureurs, la suite des concours n'offre plus un grand intérêt. Un certain nombre de spectateurs se retirent, l'heure est d'ailleurs assez avancée. Cette journée si mémorable et si pleine d'émotions se termine par la brillante fête que le comité des Jeux Olympiques avait organisée au Pirée, avec la coopération de la municipalité de cette ville. Des trains continuels transportent à chaque instant au Pirée des milliers de personnes. L'aspect du port et du quai est réellement féerique. Toutes les maisons, tous les édifices environnants sont brillamment illuminés. Les nombreux feux de Bengale allumés sur d'immenses chalands, les rayons intenses des lumières électriques, les fanaux et les lanternes vénitiennes suspendues au mât des vaisseaux de guerre et des navires de commerce, la réverbération de ces innombrables clartés dans les flots tranquilles de la mer, tout cela compose un ensemble d'un effet magique et saisissant. La famille royale, le roi de Serbie et le grand-duc Georges contemplent longtemps ce spectacle du balcon de l'hôtel de ville. Les diverses corporations, qui s'étaient concentrées sur la place de la douane, se mettent en marche. Précédées de la musique de la société philharmonique, elles sont escortées de nombreux matelots portant des torches et des lanternes. Ce défilé, vu à distance, produit la plus belle impression. Sous les fenêtres de la mairie, l'Orphéon du Pirée chante en partie une cantate intitulée « Le jeune mousse ». Après quoi, la musique de la société philharmonique se joignant à l'Orphéon dans le jardin tinant illuminé à Giorno, ils font entendre différents airs de triomphe sur les thèmes de Lohengrin. Enfin, d'un rade situé au centre du port, on tire un splendide feu d'artifice. La fête se termine vers minuit, tout se retire brisé par la fatigue et les émotions de la journée.